Légende urbaine, quartier attitude. N'hésite plus, lutte pour la vie, si la mort est certaine. Vache parce que tiens mon ami, quartier en habitant s'éteint. You. L'époque est vraiment flinguée, tout tourne à la folie. Perdre une vraie souffrance, seule la victoire est jolie. Même trop n'est plus assez, les remèdes sont pires que les mots. Pour comprendre la douleur, plus besoin de comprendre les mots. Condamné dès le premier souffle, vite tes rêves, vous rêvez de vivre. La société ne changera pas, même avec un gros calibre. Mais en attendant demain, en attendant d'y être, mes frères traversent la ligne pour se payer leur bien-être. Moitié bon, moitié mauvais, c'est le quartier dans ton rétro. Prends la tête dans la monnaie, on joue gros pour gagner gros. Par terre ou dans une belle caisse, nuit et jour toujours les mêmes. Partir au front et revenir avec la joie dans les mains. T'es pas nous, on n'est pas toi, mais on a croisé les mêmes chemins. On a besoin de ce que t'as, et ce qu'on a, t'en as besoin. On est venu en paix, baisse ton chrome. Personne veut de règlement de compte pour tout ce qui vient de ces rues. Ces rues détestées par tant d'autres. Cette époque c'est la drogue, cette époque c'est les armes, cette époque c'est les femmes, cette époque c'est le chétan. Dans ces blocs on se craint, dans ces blocs on se canne, dans ces blocs on se condamne, dans ces blocs on te drame. C'est le feu, la jeunesse est pyromane. On essuie nos larmes avec des armes, on se tire dans le crâne. Contre qui on se bat, contre nous-mêmes, c'est qui ricane, c'est l'état de nos achilles. On m'a dit faut s'unir dans la zone, mais peu d'hommes assument ses paroles. Le bitume t'apprend à maîtriser les armes, doigt sur la détente, la haine pour mieux la presser. Tu meurs si t'as pas d'armée. Tous un manque de pépette, l'envie d'en buter. Seule la sonna du prophète peut sauver nos âmes. Peur du créateur, l'enfer et des flammes. Ressens le besoin de me purifier. Cœur noirci, l'impression de m'enfoncer. Trop attiré par ces deniers. Remercie les frères du GMR qui pour nous chaque jour font des douas. Souhaite le jeune âme à tous les frères partis trop tôt. À ceux en bas des tours, à squatter avec un 12 pour te fournir la drogue douce. Ce France la rue te viole dans un tes os sans issue de secours. Dédicacé à nos légendes urbaines enfermées. Cette époque c'est la drogue, cette époque c'est les armes, cette époque c'est les femmes, cette époque c'est le chétan. Dans ces blocs on se craint, dans ces blocs on se canne, dans ces blocs on se condamne, dans ces blocs on te drame. C'est le feu, la jeunesse est pyromane. On essuie nos larmes avec des armes, on se tire dans le crâne. Contre qui on se bat, contre nous-mêmes. C'est qui ricane, c'est l'état de nos achilles. Les portes dingues où les jeunes connaissent plus le respect des nés. Le regard pousse à l'embrouille, c'est comme les provoquer. T'as trop la haine, un de mes frères t'a humilié. Ta bêtise a une arme qui t'a poussé à tirer. Et trop de bâtards t'envoient de la maille pour te faire cantiner. Vous allez tous te payer, t'inquiète qu'à une rampée. Jusqu'à la mort on viendra tous représenter. L'incognito c'est gravé à jamais. Danger dans la rue, écartez-vous lorsqu'il procède. Un homme reste un homme, peu importe ce qu'il possède. La différence se fait au poids de son arsenal. Moi j'ai rien d'autre à part ma clique et à part ce mal. Mon vécu parsemé d'embrouilles par les pas plus harcelés. Les poignets de mes frères connaissent les bracelets. Brasser pour se casser tout son essai. Ramasser la maille, hey, la même de Nîmes à Marseille. Cette époque c'est la drogue, cette époque c'est les armes, cette époque c'est les femmes, cette époque c'est le chétan. Dans ces blocs on se craint, dans ces blocs on se canne, dans ces blocs on se condamne, dans ces blocs on te drame. C'est le feu, la jeunesse est pyromane. On essuie nos larmes avec des armes, on se tire dans le crâne. Contre qui on se bat, contre nous-mêmes. C'est qui ricane, c'est l'état de nos achilles. On cache nos douleurs derrière des sourires. Le peu de temps qui nous reste à vivre, on le perd dans des choses utiles. L'argent est devenu la seule chose qui facile. Les miens ont perdu la tête, fou, finissent à l'asile. Ils tuent le peu d'espoir à chaque fois qu'on insiste. Comment oublier le nombre de frères qu'ils assassinent. La vengeance au bout de ma plume fait que je résiste. Chaque soir on cherche la vérité au bout des rues. Taché de sang et notre histoire coincée entre rêve et cauchemar. Je vois plus cette flamme dans les yeux de mes petits frères. Trop de jeunes sourds se retrouvent à s'ouvrir les veines. Les sentences tombent au parquet, c'est toujours les mêmes peines. Comment veux-tu qu'on s'en sorte avec nos problèmes. Le peu de bonheur à qui nous sert à foutre dans la merde. Que nos erreurs servent de leçon quand arrive un drame et qu'on perd un proche de façon brutale. Cette époque c'est la drogue, cette époque c'est les armes, cette époque c'est les femmes, cette époque c'est le chétan. Dans ces blocs on se craint, dans ces blocs on se canne, dans ces blocs on se condamne, dans ces blocs on te drame. C'est le feu, la jeunesse est pyromane. On essuie nos larmes avec des armes, on se tire dans le crâne. Contre qui on se bat, contre nous-mêmes. C'est qui ricane, c'est l'état de nos HLM. On est martyrs dansant, mélancolique en pensant aux frères. Absent, tolérance, zéro de marceau, 3-0-900. Rageant sont les agents et à chaque faux pas, c'est la comparution. Les médias enragent pour faire monter l'audimat. Ouvre les yeux et mate, on est dans un cul-de-sac. Ton mur, tu seras le futur.